que je me suis réveillé un petit peu moi. Une super expo, des super œuvres, qu'un mot, bravo. C'était très joli. C'était très bien et très beau. Bien aimé. On a souvent cru que les idées descendaient du Saint-Esprit. Et si le siège sur lequel était vous étiez assis vous donnait des idées révolutionnaires, prenez en note. Superbe expo à refaire. Bonjour, je m'appelle Sébastien et j'ai bien aimé l'exposition. Le fauteuil cercueil et la grande chaise et la petite chaise en bois. J'ai trouvé que l'exposition était géniale et que il y avait beaucoup de chaises qui étaient faites. Je trouvais que c'était des chaises qui étaient très très inventives et que j'aimais bien quoi. Et j'ai accueilli mes parents. Merci. Bonjour, je m'appelle Mickaël. J'ai bien aimé l'exposition. J'ai bien regardé. J'ai aimé les chaises, les lieux, les fauteuils et les chaises. Est très belle. Oh, j'ai bien aimé la chaise en bois, les chaises avec les animaux, toutes les chaises, sauf celle en bois. Au revoir. Ça donne très envie de faire les chaises, elles sont très jolies et c'est très original. J'aimerais trop faire des trucs comme ça. Moi, l'auto m'a plu, j'aimerais bien faire ça, il y a eu un placard, tout ça, moi j'aime bien les poubelles. Au revoir. J'adore ces chaises poubelles, c'est très bien. Quand j'ai fait le fauteuil avec une écriture dessus, c'est comme si j'étais dans un avion, je voyageais. C'était très bien. J'ai bien aimé.